Le vendredi, Kim Yong-nam, président du Présidium de l'Assemblée populaire suprême de la République populaire démocratique de Corée, a regagné le pays après avoir participé à la cérémonie de prise de fonction du président de la République islamique de l'Iran sur l'invitation du gouvernement iranien. Après le rapport d'accueil du commandant de la garde d'honneur des forces terrestres, navales, aériennes et anti-aériennes de l'armée populaire de Corée et de la garde rouge des ouvriers et paysans alignés à l'aéroport international de Pyongyang, Kim Yong-nam a passé en revue la garde d'honneur.